faccio con i propri. Ma però non devi chiederlo, intanto seguilo. Lo so come dirtelo, lo faccio con i propri. Ma però non devi perderlo, e tutto il resto fa. Si la folie de cette planète, rette tête de dette, c'est la guerre nette. Dans la zone, ça pète, tu casses tête mentale direct. Avec mon gars, j'aille, on casse la barre. Car rien n'a marre, trop de faux, trop de sale histoire. Fidèle à mon histoire, car c'est là que tu la rues. Tu peux pas taire, black girl se laisse. Ça avance avec la mûre dans l'église. C'est la vie, no bitch shit. On est tous bas dans cette planète, rien ne s'arrête. J'arrive pour tout payer tes dettes. T'inquiète, music love, reste en série, baby. La série, la série, les trucs du coup, music love. Le son, comme il est de l'eau, le faccio con les bras. Rappéo, non devi chiederlo, intanto seguilo. Le son, comme il est de l'eau, lo faccio con l'hip hop. Ma però non devi perderlo, e tutto il resto fuck.